Si quelqu'un vient à bout de quelqu'un vient à bout au niveau des phases d'évolution de se créer une conscience dans un corps éthérique comme véhicule, il va pas vivre dans le séjour de les morts de la planète. Non, non, mais je peux comprendre que si la personne est justement avec un véhicule éthérique, il va être plus intéressé de voyager dans le cosmos, faire des trucs plus Ben créatifs, là. oui. Ben surtout que là, c'est dans du psychomatériel, fait qu'il peut pas être dans le psychomagnétique d'une planète au niveau d'une mémoire inconsciente des masses, tu sais. Dans le sens que un ego, pas un ego, mais un double éthérique, ça peut pas vivre dans le monde de la mort. Sais, je veux dire, ça va être comme si le feu était pris, eux autres, ils vont virer fou. Ouais, c'est ça, ça leur crée des chocs énergétiques. Par Ben là, contre, je comprends donc. c'est sûr qu'en parlant de la question de la création du double éthérique et du véhicule d'énergie, sans doute il y a des gens qui vont nous écouter et vont se poser la question, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour créer le corps d'énergie? Ben rien. Si là, si ces choses-là avaient été rendues que c'est rendu qu'il faut se préoccuper de ça, ça va venir naturellement. Mais c'est parce que là, si on dit qu'il n'y a rien à faire, là, les gens peux vivre l'angoisse existentielle en disant, mais là, je vois-tu Ben, ça avoir le prouve corps qu'eux autres, d'énergie. surtout, là, t'sais, ça vient démontrer qu'ils sont pas, ils devraient pas se penser à ça, là. Ils ont déjà d'autres problèmes. Ouais. Faut régler à la base les même qu'ils soient sortis de leur existentialisme souffrant, là, ils vont être aptes à entrer dans d'autres choses, mais pas tout en même temps. Ça donne rien de vouloir se créer un corps d'énergie dans l'éther pendant qu'on angoisse pour des questions subjectives planétaires. On va se créer un corps pollué. C'est pas intéressant immortaliser ça. OK, mais la question. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, tu sais, il y a des gens qui comment dire, peuvent se sentir impuissants en disant, ben, on sait bien, telle personne, lui, il va créer son corps d'énergie, il est marqué pour ça. Ben, moi, si je ne suis pas marqué, ben, c'est comme je suis fait, puis je n'aurai pas Ouais, accès à puis l'inéternité. c'est pas grave. L'affaire qui dit j'aurai pas accès à l'éternité, c'est la partie qui meurt. J'aurai pas accès à. C'est sûr. C'est pas grave. Tu sais, moi, je pense pas que je suis en train de me construire un corps énergétique sur l'éther puis que je vais immortaliser ma conscience. Parce que ces affaires-là, dans le fond, je m'en fous. Je peux pas Ben, accorder c'est-à-dire que tu t'en d'importance à ça. fous, mais tu m'en parles quand même. C'est-à-dire que Ouais. si tu serais totalement indifférent, on s'en parlerait même pas Ça présentement. m'intéresse, parce que là, il y a une nuance, ça Oui. m'intéresse en général, mais au niveau de moi, je m'en fous de ça. Parce que je le sais que c'est des mouvements qui partiront pas de moi, ça part pas nécessairement de mon ego. C'est pas en tant que désir, je peux pas m'immortaliser comme un désir. Ça va être un processus naturel qui se fait quasiment au-delà de ma conscience. Je vais le dire inconsciemment, mais c'est pas vrai, c'est plus au-delà. Donc, personnellement, ces choses-là, en tant qu'ego, je peux pas penser à ça. Ça m'intéresse pas vraiment. Je m'en fous. J'ai perdu l'idée que, tu sais, comme je te dis, je vais pas courir à ma perte, mais il reste que quelque part, si je meurs demain matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas des choses que je vais pas m'empêcher de vivre maintenant en pensant à ça. C'est la même chose pour le contraire. Je vais pas me mettre à penser à mon immortalisation pendant. Ça revient au même que, tu sais, c'est Ouais, aussi pire que le reste, je là. comprends. Mais sinon, la personne qui peut penser que si elle a un rapport de force avec le double, elle va le forcer à fusionner avec elle. Pour toi, l'idée de contester le double ou d'expérimenter le phénomène de la colère mentale, est-ce que ça peut être une façon pour l'ego d'établir un rapport où ce qu'elle va, la personne forcer une horizontalisation avec l'esprit qui lui donnerait accès à l'immortalité? Ben oui, mais ça va être une illusion pareille. Je veux dire, c'est pas. Comment est-ce que l'ego pourrait forcer une horizontalisation avec l'esprit? Si ça arrive, c'est parce qu'il est dans l'illusion psychologique de forcer une horizontalisation, parce que dans le fond, l'horizontalisation, elle part pas juste de lui. Tu sais, il faut que l'esprit aussi ait entamé un mouvement. Sinon, l'ego, il aura même pas l'idée d'horizontaliser quelque chose. Dès que ça y vient à l'idée, il y a une connexion télépathique qui reçoit cette pensée-là. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est parti d'ailleurs. Ça part de partout en même temps. Mais Là, l'affaire, le monde, ils veulent s'immortaliser dans l'éther pour pallier à des angoisses existentielles de l'ego. Ça marchera pas, là. Ça veut dire que ça sont pas prêts. Ça veut dire qu'ils veulent chercher à animaliser l'éther, ben, s'immortaliser en tant que OK, je comprends. Là, à ce quantité moment-là, planétaire, ça marchera pas. OK, je comprends. C'est que ça devient comme une façon de vouloir sécuriser sur le plan psychologique en disant, ben moi, je me mets en colère, là, je construis mon double. Puis, quoique dans le phénomène de la colère, en tout cas, moi, c'est mon vécu, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ça, mais dans le phénomène de la colère psychique, moi, ça m'amène à me sortir d'un état d'anxiété ou de peur. Il y a un changement énergétique qui s'installe Ah, en ouais. moi dans cet état-là. Ben, parce ça peut être la colère, c'est parce que tu peux t'en servir, manifester une volonté. Donc, ça, c'est sûr, ça crée un mouvement, ça marche. C'est comme des fois, j'ai de quoi je trouve pas. J'ai des pertes de mémoire, puis là, je me choque intérieurement, puis je suis en colère. Puis je veux savoir où ce qui était l'objet. Puis là, tout d'un coup, je vais avoir un flash, puis je vais le voir. Intérieurement, c'est où? Mais c'est parce que c'est la colère, j'ai manifesté une volonté. Fait que là, ça s'aligne, puis pouf, je reçois l'image. Mais c'est la même. Mais c'est ça, si la personne a la volonté de l'immortalité, est-ce que ça peut en venir à un point où ce qu'elle va y accéder? Ça, je pourrais pas dire. OK. Je sais que, comme une volonté de l'immortalité, ça me dit que l'ego peut pas avoir une volonté de l'immortalité, peut juste avoir un désir. S'il y a une volonté de l'immortalité, elle va venir d'en dehors de l'ego à travers lui. J'ai dit comment ça marche pas? Parce que l'ego peut pas avoir une volonté de l'immortalité, peut juste avoir le désir. OK, ben ça, ce que ça me dit intérieurement, simultanément, c'est que l'ego ne peut pas le décider. C'est ça. C'est en dehors de son contrôle. Il semblerait. Mais il semblerait que ça peut passer comme volonté à travers son ego. Là, est-ce que ça peut s'ajuster avec un désir? Je le sais pas. Mais c'est Mais parce que il tout ça risque. peut être subtil, parce que la personne peut se faire implanter une volonté réelle de son esprit fusionner, puis lui peut l'interpréter en le réfléchissant comme si c'était un désir, mais ça serait une volonté. Oui, pourquoi pas? Ben, à ce moment-là, l'ego, il est manipulé, mais pour son bien. Dans Oui. le sens que. On est manipulé à travers nos désirs, par des volontés. Ça arrive. Comme de la même façon qu'on est manipulé à travers nos désirs. Mais tu sais, je veux dire, on est manipulé même à travers. À travers notre volonté, on peut manipuler, mais on est manipulé à travers nos désirs. La ligne est assez. C'est juste que le désir, c'est animalien, psychologique. C'est tout, c'est la seule différence. C'est juste que la volonté, c'est vraiment une capacité de donner une direction à l'énergie. Mais genre, la vraie créativité, là, être capable d'engendrer un mouvement d'une façon coordonnée, consciente, sciemment, ça va être fait parce qu'il faut que ce soit fait, pas parce que ça nous tente. Tu sais, ça va aller de soi. Le désir, c'est souvent une compensation, un mouvement de compensation. Puis on va essayer d'envoyer ça où on veut que ça aille. Mais là, la volonté peut embarquer, mais si à la base, c'est juste un désir un peu comme, je sais pas, moi, je veux du steak pour souper, ben là, tu sais, dans le fond, la volonté va avoir du mouvement de plus, il va avoir, Non, je comprends, ça va être supporté vibratoirement par c'est l'esprit. Il va y ça. avoir une impulsion d'énergie éthérique qui va être appointée, qui va passer à travers l'ego, au lieu que ce soit de l'astral ou du mémoriel qui Ben sous-tend oui. le désir. Un simple désir, souvent, ça marche pas parce que ça peut pas se suffire à lui-même énergétiquement. Tu sais, admettons, là, un désir genre, je sais pas, moi, d'avoir un beau char de l'année, si t'as pas la volonté, ça marchera pas. Mais, tu sais, je veux dire, le désir, ça suffira pas à lui-même. Ça va être quelque chose que, tranquillement, ça va s'amoindrir, puis tu vas faire ton deuil. C'est souvent à ça que ça aboutit à un désir. T'sais, c'est comme une phase vers l'acceptation de ne pas avoir quelque chose. C'est comme la première phase à un moment donné. Puis là, finalement, la personne a fait son deuil que moi, peut-être qu'elle l'aura pas autant. Si elle avait la volonté, la personne elle va tout faire pour l'avoir. Mais c'est juste un désir, c'est pas suffisant. Ouais, je C'est comprends. une forme de base avec un peu d'énergie dedans, puis à mesure qu'on zigonne avec, l'énergie s'en va tranquillement jusqu'à ce qu'on ait fait notre deuil de ce qu'on désirait. Tandis que une volonté, là, c'est les désirs vont suivre la volonté, ils vont suivre la direction, puis là, ça s'amoindrit pas, même au contraire. Excellent, donc à bientôt. Au revoir.